Wawale. Yo, Wawale. Wawale, Jazzo. Wawale. Wawale, Wawale. Wawale.

draw a brick. Chad. jao jazu siyo jazu jazu arere jao e jao jazu siyo jazu jazu jazu jazu ejo jazu siyo hey jazu ejo jazu jazu si ayer ejo I am a host, and I'm over the job. Hey, Jao! Give it from you. Eh bien, mes mères, quand demain on dit que va être ramé, oh, eh bien, alors moi, mes mères, et puis c'est bien fait, dit que le travail, oh, eh bien. Hey, beautiful.